Deuxième livre des rois, chapitre 5. Ornaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme puissant auprès de son seigneur, et il était en grande teneur, parce que l'Éternel avait délivré les Syriens par son moyen, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et quelques troupes sorties de Syrie, avaient amené prisonnière une petite fille du pays d'Israël, qui servait la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Je souhaiterais que mon seigneur, se présenta devant le prophète qui est en Samarie, il l'aurait aussitôt délivré de sa lèpre. » Quelqu'un donc vint et le rapporta à son seigneur, en disant, « La fille qui est du pays d'Israël, a dit telle et telle chose. » Et le roi de Syrie dit à Naaman, « Va, vas-y, et j'enverrai des lettres au roi d'Israël. » Naaman donc s'en alla, et prit avec soi 10 talents d'argent, et 6 000 piastres d'or, et 10 robes de rechange. Et il apporta au roi d'Israël des lettres de telle teneur. Maintenant, dès que ces lettres te seront parvenues, sache que je t'ai envoyé Naaman mon serviteur, afin que tu le délivres de sa lèpre. Or, dès que le roi d'Israël eut lu les lettres, il déchira ses vêtements, et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir, et pour rendre la vie, que celui-ci envoie vers moi, pour délivrer un homme de sa lèpre ? C'est pourquoi sachez maintenant, et voyez qu'il cherche occasion contre moi. » Mais il arriva que dès qu'Élisée, homme de Dieu, eut appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Qu'ils s'en viennent maintenant vers moi, et qu'ils sachent qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman donc s'en vint avec ses chevaux, et avec son chariot, et il se tint à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée envoya un messager vers lui, pour lui dire, « Va, et te lave 7 fois au Jordan, et ta chair te reviendra telle qu'auparavant, et tu seras net. » Mais Naaman se mit en grande colère, et s'en alla, en disant, « Voilà, je pensais en moi-même, il sortira un continent, et invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, et il avancera sa main sur l'endroit de la plaie, et délivrera le lépreux, Abana et Parpar, fleuve de Damas, ne sont-ils pas meilleurs que toutes les eaux d'Israël, ne m'y laverai-je pas bien, mais deviendrai-je net, ainsi donc il s'en retournait, et s'en allait tout en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent, et lui parlèrent, en disant, « Mon père, si le prophète t'eût dit quelque grande chose, ne l'eusses-tu pas faite ? Combien plutôt donc dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lave-toi, et tu deviendras net ?» Ainsi il descendit, et se plongea 7 fois au Jordan, suivant la parole de l'homme de Dieu, et sa chair lui revint semblable à la chair d'un petit enfant, et il fut net. Alors il retourna vers l'homme de Dieu, lui et toute sa suite, et il vint se présenter devant lui, et dit, « Voici, maintenant je connais qu'il n'y a point d'autre Dieu en toute la terre, qu'en Israël. Maintenant donc, je te prie, prends ce présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit, « L'Éternel, en la présence duquel je me tiens, est vivant, que je ne le prendrai point, et quoique Naaman le pressa fort de le prendre, Élisée le refusa. » Naaman dit, « Or je te prie, ne pourrait-on point donner de cette terre à ton serviteur la charge de 2 mulets, car ton serviteur ne fera plus d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux, mais seulement à l'Éternel. L'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur, c'est que quand mon maître entrera dans la maison de Rimmon pour se prosterner là, et qu'il s'appuiera sur ma main, je me prosternerai dans la maison de Rimmon, l'Éternel, dis-je, veuille me le pardonner, quand je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Et Élisée lui dit, « Va en paix. » Ainsi étant parti d'auprès de lui, il marcha environ quelques petits espaces de pays. Alors Géasi, le serviteur d'Élisée homme de Dieu, dit, « Voici, mon maître a refusé de prendre de la main de Naaman Syrien aucune chose de tout ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant, que je courrai après lui, et que je prendrai quelque chose de lui. » Géasi donc courut après Naaman, et Naaman le voyant courir après lui, se jeta hors de son chariot au devant de lui, et lui dit, « Tout va-t-il bien ? » Et il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'a envoyé pour te dire, voici, à 7 heures 2 jeunes hommes de la montagne d'Ephraïm sont venus vers moi, qui sont des fils des prophètes, je te prie donne-leur 1 talent d'argent, et 2 robes de rechange. » Et Naaman dit, « Prends hardiment 2 talents, et il le pressa tant qu'on lui ait 2 talents d'argent dans 2 sacs. Il lui donna aussi 2 robes de rechange, et il les donna à 2 de ses serviteurs qui les portèrent devant lui. Et quand il fut venu en un lieu secret, il le prit d'entre leurs mains, et le serra dans une maison, après quoi il renvoya ces gens-là, et ils s'en retournèrent. Puis il entra, et se présenta devant son maître. Et Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ? » Et il lui répondit, « Ton serviteur n'a été nulle part. » Mais Élisée lui dit, « Mon cœur n'est-il pas allé là, quand l'homme s'est retourné de dessus son chariot au devant de toi ? Est-ce le temps de prendre de l'argent, et de prendre des vêtements, des oliviers, des vignes, du menu et du gros bétail, des serviteurs et des servantes ? C'est pourquoi la lèpre de Naaman s'attachera à toi, et à ta postérité à jamais. » Et Géasi sortit de devant Élisée blanc de lèpre comme de la neige.